par ici. Où est passée votre joie de vivre, celle qui nous permettra à tous de faire de grandes choses si on a l'envie. Je m'accroche, reviens mon tonton Jeannot, c'était toi qui étais le plus beau. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec toi, Jean-Li. Tu pars déjà et loin de là, ça je ne t'oublierai pas. C'est pour toi que je m'accroche. Reviens mon tonton Jeannot, c'était toi qui étais le plus beau. À croire qu'on n'écrit pas la bonne histoire. C'est pour toi que je m'accroche. Reviens mon tonton Jeannot, c'était toi qui étais le plus beau.